Proverbe chapitre 29. L'homme qui étant repris roidit son cou, sera subitement brisé, sans qu'il y ait de guérison. Quand les justes sont avancés, le peuple se réjouit, mais quand le méchant domine, le peuple gémit. L'homme qui aime la sagesse, réjouit son père, mais celui qui entretient les femmes débauchées, dissipe ses richesses. Le roi maintient le pays par le jugement, mais l'homme qui est adonné au présent, le ruinera. L'homme qui flatte son prochain, étend le filet devant ses pas. Le mal qui est au forfait de l'homme, lui est comme un lac, mais le juste chantera, et se réjouira. Le juste prend connaissance de la cause des pauvres, mais le méchant n'en prend point connaissance. Les hommes moqueurs troublent la ville, mais les sages apaisent la colère. L'homme sage contestant avec l'homme fou, soit qu'il s'émeuve, soit qu'il rit, n'aura point de repos. Les hommes sanguinaires ont en haine l'homme intègre, mais les hommes droits tiennent cher sa vie. Le fou pousse au dehors toute sa passion, mais le sage la réprime, et la renvoie en arrière. Tous les serviteurs d'un prince qui prêtent l'oreille à la parole de mensonge, sont méchants. Le pauvre et l'homme usurier s'entre-rencontrent, et l'Éternel illumine les yeux de tous deux. Le trône du roi qui fait justice selon la vérité aux pauvres, sera établi à perpétuité. La verge et la répréhension donnent la sagesse, mais l'enfant abandonné à lui-même fait honte à sa mère. Quand les méchants sont avancés, les forfaits se multiplient, mais les justes verront leur ruine. Corrige ton enfant, et il te mettra en repos, et il donnera du plaisir à ton âme. Lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est abandonné, mais bienheureux est celui qui garde la loi. Le serviteur ne se corrige point par des paroles, car il entendra, et ne répondra point. As-tu vu un homme précipité en ses paroles? Il y a plus d'espérance d'un fou que de lui. Le serviteur sera enfin fils de celui qui l'élève délicatement dès sa jeunesse. L'homme colère excite les querelles, et l'homme furieux commet plusieurs forfaits. L'orgueil de l'homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Celui qui partage avec le larron, et son âme, il entend le serment d'exécration, et il ne le décèle point. L'effroi que conçoit un homme, lui tend un piège, mais celui qui s'assure en l'Éternel, aura une autre traite. Plusieurs recherchent la face de celui qui domine, mais c'est de l'Éternel que vient le jugement qu'on donne touchant quelqu'un. L'homme inique est en abomination au juste, et celui qui va droit, est en abomination au méchant.